Dès novembre, c'est criminel, on nous lave déjà la cervelle. 100 000 néons frénétiques clignotent à rendre épileptiques des enceintes crachant leurs décibels, nous martèlent. Jingle bell, jingle bell. C'est déjà Noël. L'hypocrisie consensuelle, sempiternelle ritournelle, qui me brise les balancelles. On doit avec bravoure faire la queue pendant des heures. Il paraît que c'est la trêve des confiseurs. C'est plutôt la trêve des cons tout court. Ce petit 38 qu'on a surestimé, ces joujoux qui ne marcheront jamais. Faudra donc refaire la queue. Quelle bataquès, mais qu'ai-je donc fait du ticket de caisse? C'est déjà Noël, on se plie à ces rituels. La dinde, c'est toujours la clientèle. C'est l'arnaque des versions fraternelles. Et puis on sort la belle vaisselle, on sort grand-père, on sort grand-mère. Tout le monde est fin prêt à se faire péter la pression artérielle. Les gens sont beaux, la vie est belle. L'instant d'un tintement de coupelle. J'oublierai, c'est l'amnésie annuelle.